chatte. Quel est votre métier? Avec les hommes, les lions ne baptisent pas. Baptise-moi, made in Baptista. J'envoie des baptistoires d'ici à Bratislava. Lève le bras pour les bronzeurs et les sisters. Encore un couplet sorti sous la new era. J'rappe depuis la New Jack, pas depuis le Blu-ray rail. J'suis sur l'Olympe et pousse des cris de chasseurs nomades. Le RAP dans les limbes de Christopher Nolan. J'ai pas la patience d'attendre une vie pour une victoire. J'suis pas là non plus pour prendre l'espèce pour de l'espoir. Pas là pour papa paraté, j'suis là pour ne pas papa raté. Le T40, micro caca karaté. Ah, c'est la panthère qui vient bouffer les lions. Leurs vocaux d'or ont des allures de bouffer des lions. Oh, swag dans le black, j'suis le mouton à 5 pattes. Sans blague, j'attire les flashs alors je roule sans plaque. Des gueules de dark dog et des gaines de gargoyles. Pas de gun de bad boy, que du papier carbone. Yeah, mes vins se terminent toujours par KO. Car je rappe comme frappe, mani pas chien. C'est pour les Zonkai en Suzukai. Les Arabiens sans Kokan. Les black and white qui sont boucan. Les femmes au sang cocard, les hommes au sang tocard. Les spartiates insolvables sans tocard. Que tout le monde lève le glaive. Que tout le monde gagne la plèbe. Que tout le monde lève le glaive. Que tout le monde gagne la plèbe. Spartiate, quel est votre métier? Je vois la foule acclamée. Sont la haine, on vit de hâte. Avec la même rage que les Onidas. Nos petites sœurs sont des battantes. Je vous parle pas toutes ces putes, je suis sur une liste d'attente. Ici on pète les plombs parce qu'on refuse d'attendre. La mort nous est promise, la rue est trop lit. J'ai choisi pour avoir de l'espoir d'être un électron libre. Pour ça un peu de placard, pour qu'on ait l'air quitte. 6 du mat, je fume une clope en bas, j'attends la perquise. J'aime plus que tout ma mère, ici elles sont toutes reines, pas les respecter, cela nous coûterait vraiment cher. C'est mon ressenti. On vit tous la même chose et ça depuis la Grèce antique. Des complots, des meurtres, de l'adultère, des corrompus. Des guerres pour 2-3 sous, des amitiés interrompues. En tout cas j'aime pas les keufs, j'ai le mort en les croisant. On est 10 000 et pas 300. C'est pour les Zonkai en Suzukai. Les Arabiens sans cocaine. Les black and white qui sont boucanes. Les femmes au sang cocard, les hommes au sang tocard. Les spartiates insolvables sans tocard. Que tout le monde lève le glaive. Que tout le monde gagne la plèbe. Que tout le monde lève le glaive. Que tout le monde gagne la plèbe. C'est l'Arabian Panther. Medi. Mentalité Myrmidon. La crime. Ceinture de centurion.